Je voudrais quand même signaler que, après ce coup d'État manqué, il y a eu des enquêtes, énormément des publications, et de nombreux journaux ont publié les résultats des enquêtes qui ont été menées. Et je voudrais bien citer, hein, minutieusement, qui a été menée, qui a été réalisée par les services de renseignement de la République de Guinée équatoriale. Et il ressort que les responsables de ce putsch manqué étaient des Soudanais, des Tchadiens, et certains même étaient des Guinéens qui ont réussi à obtenir la nationalité espagnole. Après leur arrestation, professeur Dengue, sans aucun remords, l'administration espagnole a demandé la libération de ses citoyens. Alors, je ne sais pas s'il faudrait inclure, y voir une implication directe. Mais la question, je vous la pose parce que vous êtes éditorialiste. Comment est-ce que vous comprenez quand même cette présence assez régulière des puissances étrangères sur le continent africain dans ce qu'on peut appeler cette manœuvre, cette tentative sans cesse répétée de déstabilisation des pays africains? Le cas de Guinée équatoriale nous parle suffisamment. Alors, puisque vous parlez d'intervention de puissance, soi-disant, de soi-disant puissance étrangère, c'est une longue histoire. L'histoire des trois derniers siècles, sinon des quatre derniers siècles de l'Afrique, c'est l'histoire de l'intervention étrangère, soit pour déporter des Africains sous forme d'esclavage, soit pour exploiter le produit de leur travail, soit pour exploiter les ressources. Donc, il n'y a rien de nouveau à cela. Il y a des interventions, surtout, qu'on peut préciser, de l'Europe occidentale, qui est habituée à cela. Mais pour revenir plus précisément sur la question que vous me posez concernant la Guinée, je dois dire d'emblée que c'est une question que je ne maîtrise pas. Mes propos ici seront des propos de type un peu généraux, donc sans entrer dans le détail des choses que je ne connais pas. Mais il faut quand même, pour fixer vos téléspectateurs, donner quelques faits qui sont du domaine général. Je crois que cette tentative de coup d'État a eu lieu en 2017 et je dois tout de suite dire que je m'oppose par principe à toute prise de pouvoir par la force, comme a dit le professeur Karim. C'est inadmissible et surtout si on prévoit d'aller tuer des gens. Ça, ce n'est pas le chemin pour le pouvoir, ne doit pas être un chemin ensanglanté. Et encore plus, si on a recours à des forces non nationales pour intervenir, pour régler des problèmes nationaux. À la limite, je peux comprendre que, comme dans une famille, les gens se chamaillent, mais si on veut recourir à des puissances extérieures ou à des non nationaux pour pouvoir acquérir le pouvoir, c'est une pratique que je ne peux pas supporter et qui doit être rejetée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai rappelé une première date. 2017, donc, c'était l'histoire de ce coup d'État qui a été manqué. Et si je ne me trompe, c'est en 2019, donc 2 ans plus tard, que des gens sont arrêtés au Sud-Soudan. Si c'est bien ça. Parce que, encore une fois, vous me corrigerez si je me trompe, parce que je dis que je n'ai pas suivi cette question en détail. Et donc, ces gens sont arrêtés en Soudan. Dans quelles conditions sont-ils extradés ou bien sont-ils envoyés en Guinée? Je ne le sais pas. Quelle est la nature des accords qui existaient? Si ces accords existent, je ne le sais pas. Mais dans tous les cas, il faut protéger les droits des uns et des autres. Et il faut toujours agir dans le cadre du droit. Alors, ces gens sont envoyés en Guinée, si j'ai bien compris. Et puis, un malheur est arrivé, si je ne me trompe, le 15 janvier dernier. L'un d'eux est mort, nous dit-on, en détention. Et c'est là le problème. Alors, si c'est un mercenaire, il doit être traité comme un mercenaire, mais ce n'est pas parce qu'un mercenaire qu'on doit donner la mort dans des conditions qui ne sont pas encadrées par la loi. Dans quelles circonstances ce monsieur est mort, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. Si j'avais compris la position espagnole, c'est de dire que ce monsieur est un ressortissant espagnol et le gouvernement espagnol est en droit de demander ce qui s'est passé. On ne peut pas reprocher cela à l'Espagne. Si un Camerounais meurt quelque part, dans des conditions que le gouvernement camerounais trouve anormales ou bien suspectes, on ne peut pas interdire au gouvernement du Cameroun de demander qu'est-ce qui est arrivé à mon concitoyen. C'est la moindre des choses. Ceci dit, je ne prends pas parti. Je dis simplement que du niveau de l'information, l'information doit circuler pour que l'on ait qu'on fasse la liberté. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la liberté et la vérité. Alors, on en est là. Il y a un clash diplomatique entre l'Espagne et la Guinée équatoriale. Je n'en sais pas plus. Je ne peux pas aller plus en détail sur ce point, mais ce que je voudrais, c'est que dans le cas comme dans les autres, il faut que la loi s'applique de façon respectable, respectueuse des droits de l'homme dans tous les cas, et que la justice soit faite, parce que s'il y a une mort d'homme, et c'est la moindre des choses, même si un criminel meurt, on peut faire une autopsie pour dire dans quelles conditions il est mort. Cela relève des éléments, des principes généraux, si l'on peut dire, du droit. Maintenant, si l'on veut élargir la question, et l'un des intervenants précédents a parlé du golfe de Guinée, de toutes les ressources. Et il a parlé, si j'ai bien compris, d'un malentendu qui aurait eu lieu entre la Guinée et le Gabon, si c'est bien ce que j'ai compris. Alors, c'est réel. Je dis que la région du golfe de Guinée et les pays dits de la SEMA, c'est la région qui, de mon point de vue, est la région la plus riche du monde. Je dis bien du monde, toute cette région. Il est donc normal qu'il y ait des convoitises dans cette région. La question maintenant, c'est comment les équipes dirigeantes de cette région se comportent. Est-ce que ces équipes dirigeantes s'entendent pour d'abord élever le niveau de vie de leur population? Est-ce que ces équipes dirigeantes s'entendent pour se protéger collectivement? Et j'insiste sur collectivement. On ne peut pas avoir la protection aux dépens de l'un ou de l'autre. Et s'il y a des chamailleries entre la Guinée et le Gabon, il faut bien se demander pourquoi ça existe. Et comme vous entendez me parler récemment, ça a fait la chronique, des chamailleries entre le Cameroun et le Tchad. Pourquoi cette région, on arrive à voir des chamailleries comme ça alors que c'est des régions qui potentiellement sont extrêmement riches, beaucoup plus riches par exemple que les régions du golfe de Persique, et le niveau de développement ne semble pas avancer. C'est des questions qu'il faut se poser honnêtement, sans incriminer, sans arrière-pensée, sans parti pris. Et il faut les analyser ouvertement. Pour cela, j'ai une grille de lecture très simple. Je parle souvent de ce qu'on appelle le triangle de souveraineté. Et le triangle de souveraineté, c'est que pour moi, pour que une entité nationale ou bien une coalition d'entités nationales se considère souverain, vous devez être souverain au moins, je dis bien au moins, sur trois côtés. Le côté militaire, le côté monétaire et le côté du droit. La question qui nous est posée aujourd'hui est à l'intersection de ce triangle. Parce que c'est une question de droit, c'est une question militaire, et même un peu c'est une question monétaire aussi. Et à cela, je vais peut-être anticiper sur ce que je dirai tout à l'heure, parce que quand on parle de souveraineté, ce n'est pas la souveraineté du chef de l'État ou du gouvernement. Ça veut dire que la politique de la nation doit être menée pour le bien commun. Et le bien commun doit être déterminé par l'ensemble de la population. Et cette population doit être informée de la façon la plus large possible. Et le dernier couac, et je vais m'arrêter là, qui montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est que mardi dernier, 25 avril, s'est tenue à Paris une réunion des dirigeants de la SEMA. C'était une réunion donc des ministres à l'invitation de M. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, ses collègues de la zone CEMAC, ainsi que les présidents des institutions régionales et le gouverneur de la BEAC se sont réunis. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Si la politique ici régionale doit être faite au service de la population, on doit savoir de quoi il s'agit. Et à un moment crucial comme celui-ci, dans les événements mondiaux, on ne peut plus faire de la politique en cachette. La jeunesse africaine se lève contre le franc CFA, Cette réunion, on n'a pas dit un seul mot sur cette question cruciale. Si les dirigeants veulent être crédibles et en ligne avec la montée de la jeunesse et les revendications populaires, si ces dirigeants veulent le soutien de la population, au moins, ils ont le devoir, ce n'est pas un dû, ils ont le devoir d'informer sur des choses aussi essentielles que cela. Et à ce moment, si vous arrivez à informer à cela, sur ces différents points, les malentendus seront levés, les attaques extérieures pourront être repoussées par l'ensemble de la population. Ce ne sera même pas l'armée, c'est la population qui se lèvera pour protéger. Mais pour que la population protège, il faut qu'elle soit informée et qu'elle ait confiance dans les dirigeants, que ces dirigeants travaillent effectivement dans leur intérêt. Merci. Afrique Média, le monde, c'est nous.